Bonjour, bonjour à tous. Ce sont les entretiens de Grenoble, après une petite pause de 2 semaines. Enfin, pour ceux qui suivent hebdomadairement, on va dire, les entretiens de Grenoble. J'accueille aujourd'hui Thierry Monnier. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Je suis Merci d'être. Ouais, c'est bien de le dire. Merci d'être passé aux entretiens de Grenoble. Bon, c'est un peu le renouveau des entretiens de Grenoble que tu connaissais déjà, auquel tu as participé il y a de cela 7 ans. Ouais, il y a pas mal de temps, c'était à une autre adresse, si je me souviens bien. Non, on en a fait ici aussi. Ah bon? Mais, ouais. Ah oui. Mais il y a eu deux endroits, effectivement. Ok, tout n'est pas très clair dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. Les idées fusent. Mais c'était dans la pièce à côté. Donc voilà, quelque chose. Bon bref. C'est peut-être pour ça que j'ai été surpris d'ailleurs. Peut-être. Ouais. Donc cette émission, donc j'ai donné un thème un peu vague qui est même voire très facile, musique et opposition. Bon. Voilà. On va en discuter. Donc on a chacun à peu près des morceaux proches de ça. En gros, c'est juste appliquer une sorte de filtre. Oui, c'est un prétexte en fait, c'est ça. C'est un prétexte, okay. Exactement. Exactement. comme tous les arts, la musique est un vecteur d'opposition, mais je pense que ça, on pourrait même, ça permettrait de faire ça permet de classer. C'est un bon moyen de classer la musique, que de considérer quel est le rapport de cette musique, enfin à quoi elle s'oppose. Voilà. D'accord. Okay. Et si elle s'oppose à quelque chose. Et si elle s'oppose, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, tu m'as donné d'ailleurs un exemple flagrant de non-opposition. De non-opposition. Mais je crois que c'était pas exhaustif. Non, c'est pas un exemple exhaustif, mais il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 4. Il y en a 4, il n'y en a que 4, ouais, sûrement. Ouais, sûrement. C'est aussi dur, j'imagine, de ne s'opposer à rien, finalement. Mais bon, à rien du tout. On peut s'opposer à l'opposition, n'est-ce pas? Non, peut-être. Bon, bref. Donc, on écoute... Ça va déjà beaucoup trop loin pour moi. T'es en train de me perdre, là. Donc, on écoute en fond un morceau de ta facture. Oui, c'est ça, ouais. J'ai cru reconnaître. Ouais. Étude au tournevis, dite pathétique. Voilà. Donc ça reprend en fait les titres de morceaux de Pierre Schaeffer. C'est ça, ouais. Je m'opposais à Pierre Schaeffer quelque part. Alors, bon, c'est très intéressant. Ou pas, Non, ou pas, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que j'avais pensé mettre un morceau, justement. Bon, alors, on continue. Alors, est-ce que tu, en reprenant les titres, est-ce que tu t'opposes ou est-ce que c'est un hommage ou est-ce que finalement, quel rapport? Du coup, ça entretient. Quel rapport? Je sais pas. Déjà, c'est un disque de guitare en fait. Et du coup, je m'étais dit que. Guitare un peu bruitiste. Donc, j'avais pensé aux études de bruit de Pierre Schaeffer. Et je me suis dit, tiens, je vais plutôt rendre un hommage. Après, je sais que ça n'a pas toujours été bien compris. D'autant plus que c'est un peu un pastiche en fait. Enfin, Je reprends pas les titres tels qu'ils sont chez Pierre Schaeffer. Ça tourne un peu à la blague par moment. Donc des fois, la blague passe pas toujours très très bien, en fait. D'accord. J'ai pas les titres surtout, en tête, surtout, surtout auprès des puritains de Pierre Schaeffer. Ouh là là. Même pas puriste, quoi. Puritain. Enfin, ou puriste, ouais. Bon. Ouais, non, mais on voit bien. Parce que c'est pas exactement les mêmes titres. J'ai pas les... Par exemple, disons là, que je rajoutais des blagues, par exemple. Enfin, mais là, par exemple, c'est quoi la blague dans ce titre? Dans ce titre, non, il n'y a pas de blague. Enfin, si, c'est pas au tournevis, c'est moi qui ai rajouté au tournevis. Okay. C'est étude aux casseroles, Pierre Schaeffer dit pathétique. Mais comme j'utilise plus un tournevis qu'une casserole, même s'il n'y a pas de tournevis sur ce morceau, je me suis dit, je vais mettre ça. J'ai fait l'étude des. C'est au tournevis, au pluriel en plus. Ouais. O-A-X. Mm-hmm. J'ai fait l'étude au chemin de fer rouillé en fait, alors que c'est l'étude au chemin de fer tout court. Ouais. Voilà. C'est d'accord. Ok. Des petites blagues comme ça qu'on qui tenait. Enfin, on m'a dit que c'était un peu potache. Oui, c'est vrai, effectivement. Bah, pour potache sauce. Irrévérencieux. Pour peut-être, un nom potache. Peut-être. J'ai un petit sourire narquois, je crois, quand ouais. je fais. C'est ça, potache, c'est narquois. J'ai jamais vraiment non, mais... compris la définition de potache. Mais bon, c'est quoi ? C'est tongue in cheek, comme on dit en anglais, non ? C'est pas ça. Tongue in cheek ? Ouais. Tongue in cheek ? Ouais, des fois, quand tu fais des blagues un peu. Je sais pas. Codé, je... quoi. Bon, ouais, ouais. Très bien. Bon, bah, justement, alors. On peut enchaîner sur... moi, je connais un artiste qui s'appelle EDM. Bon, bah, déjà, c'est une sorte de blague, mais qui a fait un album qui s'appelle Avro Pratt. D'accord. Donc, qui et c'est des sortes de reprises où on aurait dit qu'il fait un album pour faire un album qui pourrait ressembler à Avro Pratt. D'accord, ouais. Ok. Je peux mettre juste un morceau pour illustrer ce que c'est, et je vais faire un cut pathétique sur ta musique. Voilà. On écoute un peu et puis on parle après. Allô? Ouais. Ouais, donc c'est bon, c'est juste un 22 degrés. Allô. Voilà, c'est juste un exemple. Hein? T'as dit allô du coup parce allô. Que c'était. Ouais. Juste un exemple de musique. Alors, est-ce que c'est une opposition à Arvo Part en nommant l'album Avro Pratt? Ou un hommage, je sais pas, non? Ou un hommage. C'est en fait, c'est je pense que c'est quelqu'un qui fait de la musique que par ordinateur. Et donc c'est peut-être un truc où genre il se met dans la peau d'Arvo Pärt. Enfin il y a, un truc aussi un peu révérencieux, j'imagine, sachant qu'il fait plutôt des trucs acides, dansants, tu vois, plutôt ouais, presque ouais. Pour le club, mais bon. Tu veux dire qu'il est sorti de sa zone de confort là, déjà? Alors c'est une formule que j'aime pas du tout, mais on va dire que... C'est pour ça que je l'ai dit. On va dire que, ouais. Effectivement, non, je sais pas. Ben, je pense pas, puisqu'il a l'air assez confortable là-dedans, mais bon, bref. Voilà, bon. Donc, toujours, donc, c'était pour rappeler l'ambiguïté, donc à la fois opposée, mais aussi proche. D'accord, ouais. Voilà, bon bref, de quand on fait des reprises, souvent. Mm-hmm. Oui. Voilà, ou quand on veut refaire quelque chose. Bon. Donc c'était un premier type d'opposition. Opposition, bon bref. Alors t'as quand même réfléchi et je t'en suis gré. Ouais, J'ai très mal dormi du coup parce que j'ai pensé à plein de choses. Ouais. Et puis à un moment, je me suis dit bon, bah j'arrête de réfléchir, je vais quand même dormir. Ok. Du coup, j'ai fait une petite sélection juste après que tu m'aies contacté. Ah bon, ça va, t'as pas réfléchi trop longtemps. Et puis, finalement, c'est tout ce que j'ai amené, c'est un peu des choses auxquelles j'ai réfléchi hier en fait, pas tellement aujourd'hui. Du coup, j'ai écouté des choses pour bien confirmer que c'était ce à quoi j'avais pensé. Très bien, alors. Et ça m'a fait, c'est bien parce que ça m'a fait remettre dans des disques que j'ai pas écouté forcément, parce que bon, quand on en a pas mal, en fait, je veux pas non plus. Combien t'as de disques d'ailleurs? Les as-tu comptés? Bah, j'en ai en tout, peut-être 3500, 4000, mais en comptant en tout, c'est des cassettes et tout ça. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des disques qu'on n'écoute pas tous les jours, forcément. Ah, c'est sûr, il y en a plutôt. Et que souvent, c'est quand même. Il y en a aucun, je pense qu'on écoute. C'est pas mal tous les rythmé jours. Par les choses qu'on achète, en fait. C'est-à-dire que les choses qu'on achète, on les écoute beaucoup, et puis du coup, on oublie un peu les autres. Absolument. C'est bien triste. Je pense que tu connais ça. Ouais, beaucoup ça. D'ailleurs, j'achète de moins en moins de disques. Voilà, c'est aussi. Le marché va s'effondrer là, tu, ouais. Tu te rends compte, mais. J'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Non, je sais pas. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on mette parmi ce que tu as un morceau. Donc, tu as pris un morceau de Max E. Keller. Voilà, bah c'était dans une type d'opposition plutôt politique. En fait, j'ai pris pas mal de musique électroacoustique politique, on va dire. Ouais. Ce morceau de Max Keller, qui est un artiste américain. Non, allemand. Allemand ou autrichien, je sais plus. Faudrait que je vérifie. En fait, mais en fait, c'est un morceau. Qui est tiré d'un CD qui s'appelle Wir politische Komposition. Wir politische. Je parle pas allemand, donc d'accord. En fait, si tu arrives à dire Wir ça. Wir politische Kompositionen für Tonband. Voilà, donc c'est des compositions politiques pour bande magnétique. Il y a 4 compositions comme ça sur le disque, de choses qui datent entre 76 et 79. Et le morceau que j'ai sélectionné, c'est Hymnen. C'est un morceau qu'il a fait. Hymnen. C'est un morceau qu'il a fait à propos de gens qui ont été torturés au Chili, et puis il mélange ça à différents hymnes. Ouais. Voilà, là comme ça tu me prends un peu de cours, j'aurais pas pensé. En plus, t'as pas réussi à. Ah, pardon, bah, on peut en mettre un autre. T'as pas réussi à sortir le livret du CD. C'est toujours très difficile, effectivement. Mais si tu veux, on peut écouter un. On va écouter un morceau, ouais. Un extrait parce que le morceau est long, hein, donc je ne sais pas si on va tout passer. Allez, Rough Cut, comme d'habitude. C'est parti, Max E. Keller. Peut-être augmenter un peu le volume. À tout à l'heure. Vom Ort aus, wo wir verhaftet wurden, führten uns Militärs an einen Ort in Santiago, der Comuna von Maipú, genauer an die Media Luna, wo die Rodeos stattfinden. Von dort führte man uns ins Zentrum der Media Luna, wo wir circa 100 Personen waren, alle splitternackt. Und dort begannen uns die Offiziere zu rufen, damit wir in Sechsergruppen in eine Art Zellen gingen, die keine Zellen, sondern Stallungen für die Pferde waren. Das einzige an Nahrung war Feigenkaffee mit Salz, das uns ständig zum Erbrechen brachte. Da wir seit einigen Tagen nichts mehr gegessen hatten, erbrachen wir nur Wasser und Schaum. Wir mussten unsere Notdürfte dort machen. Wir erbrachen uns auch gleich dort. Vom Augenblick an, in welchem ich aus der Stallung ans Verhör gebracht wurde, schleiften sie uns herum, schlugen uns, gaben uns Fußtritte an verschiedene Körperstellen. Derjenige, der fiel, wurde unter Schlägen zum Aufstehen gezwungen. Sie gaben mir von hinten Fußtritte, warfen mir Fassuntersätze an den Kopf und an verschiedene andere Körperstellen. Einmal näherte sich mir der Offizier, gibt mir eine Ohrfeige und kratzt mir mit einem Ring den Mund auf und wirft mich auf den Boden. Dort beginnen mich ein Unteroffizier und ein Gefreiter zu schlagen. Sie geben mir Fußtritte, setzen mich auf, reißen mich an den Haaren und setzen mich mit Gewalt auf den Sitz. Schließlich sagt ein Offizier, man soll diesen Hund in seine Stallung zurückbringen, diesen Marxisten, diesen Extremisten. Sie reißen mich an den Haaren und schlagen mich von dort bis zu den Stallungen. Rein ist Chile, dein Himmel, der blaue. Linde Lüfte durchwehen dein Gefild. Prächtig leuchtet dir blumige Aue. Bist für wahr Edens glückliches Bild. Später holten sie uns wie alle Tage in die Media Luna, um zu turnen. Wir wurden gezwungen, im Kreis zu laufen. All dies taten wir nackt. Als wir diesmal hinaustraten und herumliefen, bemerkten wir 15 oder 16 Frauen in der Mitte dieses Ortes, die nackt herumliefen. Von bloßem Auge konnten wir erkennen, dass ihre Brustwarzen verletzt waren. Und wir sahen, dass die vorletzte in den Reihen der Frauen, eine circa 37-jährige Genossin, anscheinend die Periode hatte. Man sah, wie das Blut floss. Sie war dicklich. Diese dicke Genossin zwangen sie zu laufen, indem sie sie mit den Gärten schlugen. Dabei fiel sie hin. Der Offizier schlägt sie, gibt ihr starke Fußtritte. Da sieht ein Genosse, der mit uns lief, in einer Ecke einen Krug mit Wasser. Er nimmt ihn und wirft der Genossin das Wasser zu. Der Offizier nimmt einen Anlauf aus 7 bis 8 Meter Entfernung, gibt dem Genossen einen Fußtritt ins Gesicht, der ihn zu Boden reißt. Und sofort steht der Offizier auf den Genossen und schickt uns andere in die Stallung zurück. Von der Stallung zum Verhörort führten sie uns immer mit Schlägen. Am selben Ort hatten sie diesmal eine Art Sessel aufgestellt, an dem sie meine Hände und Füße festbanden. Sie hatten einen Apparat, den die Soldaten, um Metall zu schweißen, benutzten. Aus diesem Apparat hing ein über 1 Meter langes Kabel heraus, das am Ende eine Art Pinzette hatte. Sie befestigten mir ein Halseisen an den Arm. Ein Offizier befiehlt, dass man mir Strom zuführe. Dann befestigten sie hinten das Kabel. Da erreichte mich der elektrische Strom. Es scheint mir, mein ganzer Körper zieht sich zusammen, wie wenn ich aus dem Magen heraus etwas erbrechen müsste. Der Kopf dreht sich. Das Herz begann sehr schnell zu schlagen und schien, als würde es platzen. Der Offizier nähert sich mir und beginnt, um mich herumzulaufen. Er gibt mir einen Fußtritt, diesmal in den Magen. Sie geben mir wieder Stromschläge. Ich fühlte, dass mein Körper zerplatzte durch die Stromzufuhr. Es schien, als würde mein Körper in Streifen gerissen. Die Hitze war enorm und der Kopf schien zu platzen. Ich verlor das Bewusstsein oder so ähnlich. Ich erwachte in der Stallung. Die anderen Genossen sagten mir, man hätte mich an jenem Arm hineingeschleift, an dem jetzt das Schlüsselbein verletzt ist und ein Knochen oben herausschaut. Sie hatten mir beim Schleifen die Schulter ausgerenkt. Eines Tages sahen wir auf einer Bank einen Mann, dessen Gesicht total zerstampft war. Die Augen weit aufgerissen. Dieser Mann blutete sehr stark. Er war aber am Leben. Majestätische, schneeige Anden, gab der Herr dir zu schützenden Kranz. Gab der Herr dir zu schützenden Kranz. Und das Meer, dessen Wogen dir brannten, weist die Bahn uns zu künftigem Glanz. Und das Meer, dessen Wogen dir brannten, weist die Bahn uns zu künftigem Glanz. Am nächsten Tag warfen sie ihm einen Kübel Wasser an, aber er reagierte nicht, er war verblutet. Unter der Bank blieb eine Blutlache zurück, ihn schleiften sie weg. Dieselben Leute holten mich zum Verhör. Sie hatten dieselbe Elektrizitätsmaschine, aber diesmal hatte es auf der Spitze der Pinzette eine Nadel, die unter die Haut geführt wurde. Sie steckten mir die Nadel unter den Zehennagel. Sie drückten auf den Knopf und geben mir einen Stromschlag. Ich beginne zu fühlen, dass ich sterbe, dass mein ganzer Körper zu brennen beginnt. Ich begann Blut zu spucken. Ich fühlte eine ungeheure Hitze im Magen. Es schien, als würden im Rücken meine Lungen zerplatzen. Und ich konnte nicht mehr atmen. Ich war am Ersticken, wegen dem Brechen und wegen dem Taschentuch, das sie mir um die Schreie zu dämpfen in den Mund gesteckt hatten. Hymnen. Alors, petite explication de pièce. Was in Treuen. On a donc en gros deux sources, le récit de torture au Chili, donc sous Pinochet. Sous Pinochet, traduit en allemand, et des hymnes manipulés. Voilà, c'est ça. Des hymnes officiels. Procédé assez simple. Néanmoins efficace. Alors, petite correction, Max Keller est suisse. Voilà, suisse allemand, plutôt. Suisse allemand, ouais. A priori, dans la région de Bâle, ouais. Basel. Voilà. Donc, aux pièces politiques, opposition au régime fasciste et autoritaire. Et, voilà, tout à fait. Il est cassé. Assez clair, assez net. Ok, donc c'est bon en fait, j'ai eu raison d'amener ouais, ça. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Je pense que c'est pas mal. donc il y a juste dans le texte, il y a un truc intéressant. Alors parce qu'ils disent le fait que le texte chilien soit traduit en allemand, en fait rapproche en gros l'expérience de la torture. Donc, voilà. Donc c'est pas à propos du Chili comme un pays lointain qui a rien à voir avec nous, mais c'est à propos de our blame, donc notre condamnation pour l'état des choses au Chili. Voilà. Voilà. Écoute, c'est une pièce pas mal du tout, très intéressante, ça marche bien. Et je te remercie de l'avoir amené. Ok. Je vais passer à un mode d'opposition, alors pareil, peut-être... Donc on a commencé avec une opposition, un mode ambigu d'opposition, on va dire. L'irrévérence, etc. Là, bon, on est dans un mode totalement... pas ambigu du tout, et plutôt... Ouais, j'avoue, j'ai fait un peu dans le bourrin, moi. Ouais, ok. Et ben, mais, comme on disait hors antenne, tu t'es retenu de prendre des morceaux punk, même si... C'est vrai. Finalement, ça semblait trop évident. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas la même frontalité d'opposition dans le punk par rapport à une pièce comme ça? Donc je vais mettre un morceau de Crass. Voilà. Allez, bah, on va aller dans le punk. On va aller dans le punk. Ouais. Do they owe us a living? Et je vous raconterai une petite anecdote pas très intéressante après. À tout de suite. If someone wants to die, better start a nation. Why not trust an eye? At school I give you shit. Drop your in a pit. Try get happy copy. Cause they fast your man. Then you brought example. A man I must obey. This is not the sample. If that's all you're having, do I owe us a living? Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I fucking know that I'm ripping him off. Roll a blow. Just to cope with sweet things. All I put is blind things. You left the best way. You left the same in cover. Left the same in day. Do I owe us a living? Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I fucking know. Living at his heart to me, I'm never gonna care. Back at this old world, I'm telling him today. Give it a part of me. Something like that. I'm gonna bear me. And for this room, do I owe us a living? Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I fucking know. Don't take any notice. What the fuck they think. So I'm saving time. Cause I wanna think. You try to talk it. Dream out of the voice. You don't wanna wear it. So you're full of fast. Do I owe us a living. Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I do, cause I do. Owe us a living. Cause I fucking know. Oh. Yes. Alors le punk, bon ben bah, voilà, le punk c'est l'opposition par essence, une opposition frontale, et c'est même, c'est une musique qui se définit par l'opposition, Enfin, c'est vrai, qui n'est qu'opposition. donc là en l'occurrence c'est l'opposition contre l'État, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez ce living? Oui. Voilà. C'est quoi le l'indigence? Non. Enfin le fait que l'État n'arrive pas, ne puisse pas produire, protéger ses ressortissants et ses citoyens. Voilà. Donc c'est contre le libéralisme finalement. Ouais, d'accord. Dans ce cas-là. Voilà. Mais je t'avoue que moi tu m'as mis une l'eau à la bouche en parlant d'une anecdote pas très intéressante. Ah oui. Du coup, moi, je t'avoue que je suis pressé d'entendre cette anecdote pas très intéressante. Ok. Et bien... Oui, je vais la dire tout de suite. Ce disque dont les titres sont extraits, ce CD, en fait, c'est un CD que j'ai acheté aux États-Unis. Ouais. Crass sont anglais. Et le CD a été fabriqué en France par MPO. D'accord, ok. Donc, là, c'était juste ça. Ouais, c'était juste ça. C'est pas. Si, j'ai une autre anecdote. Ah. C'est que ce morceau, Do They Owe Us a Living, a fait l'objet d'une reprise par un duo de San Francisco qui s'appelle Matmos. Voilà, je pense ah oui, que d'accord. Quelque chose. Ouais. Oh, oui, bien sûr. Ouais. Ça doit être bien différent. Ça doit être bien différent, ouais. Non, enfin, sous un nom. Enfin, c'est un des deux types de Matmos qui a d'ailleurs, je sais plus son nom, qui a d'ailleurs écrit un petit livre sur. The Minutemen, sur un album des Minutemen. D'accord. Et donc, c'est The Soft Pink Truth, okay. Le nom du truc. Voilà, bon, bref. Mm-hmm. Deuxième anecdote. Donc, The Feeling of the 5000. Bon, toi, tu connais Crass un peu, pas trop. Oui, je connais un petit peu. Après, je suis pas tellement un spécialiste, fan. Mais si, j'aime beaucoup, en fait. Parce que justement, dans la scène anarcho-punk, enfin, ils ont quand même une importance indéniable. Et puis, en même temps, leurs albums sont... Enfin, ils ont aussi fait des choses très aventureuses, on va dire. Ouais. Et puis, ils avaient... c'était une manière de vivre, en fait, Crass. C'était, enfin, ils ont toujours eu un contrôle total sur tout. Leur musique, c'est eux qui la sortaient. Ils vivaient ensemble. Ouais. Enfin, c'est aussi le réseau Squat et tout ça. Ouais, donc, ouais, bien sûr. Donc voilà, après, ça je pense, grandement influencé un groupe comme The X aux Exactement, Pays-Bas, je pensais à lui. Qui, ouais. pour les premiers albums, font des choses très proches de ce que pouvait faire Crass à l'époque, en fait. Unis dans l'opposition. Voilà. Ça permet de continuer à être opposé. Qu'est-ce qu'on met, donc un autre morceau, on met? Oui, on va si mettre un morceau, mais... Ouais. Un morceau que tu as amené, peut-être? Bah, dans ces cas-là, celui qui n'est pas dans ta liste. Celui qui n'est pas dans ma liste? Ah oui, très oui, bien. Parce ouais. que du coup, ça, c'est ouais, aussi ouais. un peu enfin, punk, qui est en fait. Dans ma liste aussi, ouais. ouais. C'est aussi un peu punk, et puis on en parle après. Ouais, on en parle après. Alors, je lance. J'essaye. Ouais, non, c'était bon. Yes, il y avait de la basse, oui, un peu. Il n'y a pas de basse, en y fait. Il n'y a pas de basse, il n'y a que là. De guitare. Il n'y a que de la guitare. En général, il y a deux guitares, une batterie. Il y a eu ouais. une période où il y a eu un peu de basse, mais c'est pas, c'est quand même souvent la guitare, deux guitares et une batterie, en fait. C'était ouais. le groupe The Dead Sea. Ouais. Voilà, le morceau Bad Politics. Donc mm-hmm. c'était aussi un morceau un peu punk, mais qui n'est pas, ouais. pas du tout dans un truc proche. De l'anarcho-punk de Crass. Alors, en quoi dans le, pourquoi musicalement, tu veux dire ou... Non, plutôt dans le. Ouais, musicalement, j'ai pas compris dans le. Les paroles, pas trop. Enfin, bon. Mais bon bah, il dit Bad Politics, baby. Ouais, voilà. Oui, donc c'est plus finalement rock que punk. C'est rock, mais après, Dead Sea, en fait, c'est un trio. Là, c'est le seul morceau où Bruce Russell chante. C'est-à-dire que le chanteur, habituellement, il s'agit de Michael Morley. Ouais. Qui donc en fait c'est un peu un morceau dans les premières choses de Dead Sea, c'est du early Dead Sea à l'époque où ils étaient beaucoup plus punk, mais chez eux il y a quand même une dimension on va dire romantique de la révolution, enfin surtout portée mm-hmm. par Bruce Russell là qui chantait sur ce morceau là. C'est un groupe qui est quand même très critique, qui joue avec les idiomes de rock, mais tout en vidant le rock de sa structure de base, en fait, ils sont ouais. dans un truc. Ils détournent, enfin, ou ils dévient. C'est pas du détournement, c'est juste. Ils délitent le rock, en fait. Ils gardent plus que ce qu'ils trouvent intéressant, c'est-à-dire le Larsen, quelques riffs de temps en temps. Et, ouais. et voilà, alors depuis. Bon, c'est un groupe qui a. qui a une longue carrière en fait, parce que ça datait de 88. C'était tiré d'un EP qui s'appelle The Sun Stabbed EP, donc ça me touche quelque part, parce que bien sûr. J'ai choisi d'appeler un de mes groupes comme ça. Ouais. Pas du tout en opposition là. Pas du tout en opposition, non, c'est en admiration. Admiration totale. Voilà. Et en fait, c'est un groupe qui, depuis, on va dire, 1995, a décidé d'abandonner le format chanson et d'aller uniquement dans l'improvisation, mais tout en ayant une structure quand même assez rock derrière. Ils chantent plus du tout. Ils chantent, mais c'est improvisé, c'est-à-dire que ce sera jamais deux fois la même chanson, en fait. Ouais. D'accord, Ils jouent encore ? Bah, non, pas trop. Oui, ils jouent encore, bien sûr. Bah, ils étaient censés venir en Europe... au mois de juin, en fait, fin mai, début juin, mais le Covid a fait que beaucoup de choses ne se sont pas passées. Alors pour eux, ça sera décalé, hein, parce que je pense qu'ils auront l'occasion de revenir. Mais ce qui est dommage, hein, moi, Mais ils jouent très peu quand même, non ? Je sais pas. Enfin, bah, en Europe. En Nouvelle-Zélande, ils jouent pas énormément, mais d'ailleurs, ils jouent dans deux jours. Mais sinon, en Europe, ils ont. Je sais pas quand ils ont joué en France, c'était pas l'unique date, je sais pas quoi, en Europe. Non, ils ont fait plus. Puis là, ils avaient une tournée relativement conséquente, en fait. Ah ouais. Moi, j'ai rien compris. Mais bon. Ok. Ça marche. Dead Sea, moi, je vais mettre un morceau de Bob Marley. Ok. Pour la transition. Voilà, qui s'appelle Zimbabwe. Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle, 'cause that's the only way. It in a Zimbabwe. Mash it up. Les entretiens de Grenoble, musique et opposition, un terme qui fertile, on va dire. Qui... Voilà, donc Bob Marley, Zimbabwe, un album sorti, non, l'album c'est Survival, sorti en 79. Zimbabwe, donc, bon, je connais pas l'histoire exacte, mais qui est devenu indépendant en 1980, a priori. Donc, bon, Bob Marley a pris fait et cause pour l'indépendance du Zimbabwe. Donc, opposition au colonialisme anglais. Voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas que le rock qui est une. Enfin, ou ce qui dérive du rock, ou. Bon, peu importe. Ben, qui est une. Qui exprime une opposition. Voilà. Mmh. Toutes les musiques, hein, dans toutes les musiques. Dans le hip-hop, dans le. Bien sûr. Mmh. À part donc Phil Collins. Voilà, voilà, okay. Voilà, ça y est, donc c'était dit. Le fameux voilà, exemple. On l'a dit, ouais. Ouais. Qui lui ne s'oppose à rien, et il y en a sûrement d'autres. Mais c'est vrai qu'il ouais, il s'est jamais opposé à. Ouais, pas grand chose. Hein. Bon. Bref, peut-être. Au bon goût, il s'est opposé au bon goût. Au bon goût, ouais. Ah ouais. Ouais. Ou en voulant bon, s'opposer au mauvais goût, peut-être. Mmh. Voilà. Un super album, Survival, bon bref, voilà. Non mais si, je suis désolé. Chacun c'est... D'ailleurs, t'as pas parlé de la pochette, mais... Ouais, alors la pochette est magnifique, elle regroupe tous les drapeaux des pays africains. Voilà. Voilà. Bon, Marley n'étant pas africain, bien sûr, mais... Bon, bah, il est bref, d'ascendance africaine. Oui. Voilà, donc c'est là qu'on se rend compte qu'on d'ailleurs, connaît... D'ailleurs, il n'y a pas que des drapeaux africains. On connaît... Il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée que j'aperçois. Merci. Mm-hmm. C'est important de ouais. Noter les détails. Et la Belgique. Ah non. Mais ça, c'est quoi? C'est l'Italie? Ouais, c'est bizarre. Non, bref. Mais il y a beaucoup de drapeaux qui ressemblent. Ouais. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas les drapeaux africains. Toi, t'en connais beaucoup. Pas j'en mal, connais hein. Quelques-uns là-dedans, ouais. Ouais. Mais après je pourrais pas tous les citer non plus. Bon, Algérie, bon bref, etc. Je vois l'Angola, le Kenya, ouais. L'Éthiopie, bravo. Le Mali. L'Angola, c'est ça, ouais. Voilà, donc Survival. Allez, merci pour cette attention. Il est 18h43, donc officiellement on a encore un quart d'heure, mais bon, si on peut, on peut... Moi, c'est toi le chef. Hein. Moi, je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est un peu libre. D'accord. Sachant qu'en fait, bon, tu te feras engueuler, c'est ça. Le créneau est généralement d'une heure, donc on va dire qu'on a un premier signal au bout d'une heure et après on continue. Bref. Mm-hmm. Alors, on va passer donc. Rester en Afrique. On va rester en Afrique. Ouais, avec un chant beaucoup plus ancien. Ouais. Puisqu'il date de... Je crois que ça a été enregistré dans les années 30. En fait, sur le livret, ils ne sont pas très clairs. Un chant qui a été un ancien chant chrétien, en fait. Ouais, pas facile à dire. Qui, par la suite, est devenu un hymne représentant des... J'ai du mal à dire minorité, parce qu'en fait, ils sont plutôt en majorité là-bas, mais des majorités zoulous... en Afrique du Sud, et ça a été même l'hymne de l'ANC, en fait, le mouvement anti-apartheid. Et depuis l'indépendance de l'Afrique du Sud, enfin pas l'indépendance, mais depuis que la fin de l'apartheid, c'est devenu l'hymne national de l'Afrique du Sud, en fait. Très bien. Donc, voilà, donc peut-être que tu as déjà entendu ce morceau, étant fan de ballon ovale. Ouais, mais je suis trop mauvais pour me rappeler les hymnes, en général. Je pense que c'est un des plus belles hymnes qui existent. Plus belle, plus belle, plus belle. Kanizu pondo mayo Niva imitana zoyetu Kozi sikele voyage, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, merci Thierry pour ce magnifique morceau. Alors, on disait hors antenne, bon, petit morceau de fond, voilà, de ta facture encore. Qu'est-ce qu'on disait ? Je sais plus. je ne sais plus. Ah si, oui, oui. Que donc tu me demandais si je reconnaissais cet hymne. Oui, vaguement. Et donc on disait que les hymnes, de toute façon, quand ils étaient chantés, c'était jamais très beau. Ouais, et ouais, que là, dans une version originale, intime, on va dire, c'est une c'est vieille version beau. D'ailleurs, hein, parce que je pense que c'est un morceau qui a dû beaucoup bouger dans son ouais. histoire. Il y a eu plein d'enregistrements. Et c'est un morceau qui date de la fin du 19e siècle, d'ailleurs, avant qu'il soit vraiment enregistré. Donc, même ouais. là, je pense qu'il avait déjà évolué par ouais, rapport ouais. à l'origine. Ouais, super. Super morceau. Et donc. L'opposition qui donne ensuite lieu à la réhabilitation parfois quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, c'est pas toujours le cas. C'est vraiment pas toujours le cas. Très bien, merci beaucoup Thierry, ça fait une bonne transition avec le morceau d'avant. Transition qui va être totalement détruite avec ce prochain morceau. Voilà. Hey! Quoi? Ouais, on est, donc c'est Cadaver in Drag, Raw Child. Voilà. Le morceau c'est Fuck This Place. Ok, voilà. Donc comme tu m'expliquais hors antenne, C'est le morceau qui s'oppose à tout. D'accord. Et même à lui-même. Même à lui-même, ah ouais. Ouais, on pourrait dire ça. Okay. Non, mais d'une manière un peu romantique, tu vois. Mm-hmm. D'accord. Mais t'as la liste quand tu dis tout, y a vraiment tout. T'as tout coché. Non, mais c'est le tout comme une idée, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu peux pas vraiment, tu peux t'imaginer tout sans avoir une liste. Mm-hmm. Non, c'est comme tu t'imagines l'infini sans vraiment. Non, d'accord. Ok. Non. Oui, c'est si, ouais. Tu vois, c'est le. Non, mais c'est l'idée du tout. D'accord. Non, mais putain, j'ai des retours de ouais. Non mais c'est peut-être pas un très bon exemple. Enfin si c'est un exemple. Bon c'est enfin ça veut rien dire mais bon c'est voilà c'est un exemple pour l'exemple. D'accord. Okay. Du coup il y a pas de c'est pas vraiment politique c'est pas vraiment c'est une position. Ouais c'est nihiliste en fait. Un peu. Ok. Voilà pour le dire vite quoi. Mais d'accord. c'est un des meilleurs albums de Rock Noise. C'est le meilleur pour moi. Ah oui, d'accord. Il n'y a rien de. Il y a indépassable. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, bon, je pense. Parce que c'est pas assez hyper violent, mais c'est pas metal. Et c'est noise et c'est rock aussi en même temps. Enfin, il y a une sorte de noirceur qui est pas la noirceur du black. En d'accord. Temps, ouais. C'est très. Raw. Voilà. Ça date de quelle époque? C'est les années 2000. C'est de Lexington, Kentucky. Ouais. Ouais, c'est les années 2000, je sais plus quelle année. Voilà. Bref. Voilà. C'était okay. Ça ma petite opposition du jour. C'est une grosse opposition. C'est une grosse opposition, ouais. Alors, on va. Il nous reste 4 minutes avant le premier, on va dire, top. On va finir avec un de tes morceaux que tu nous as amené, peut-être Father Murphy, par exemple. Voilà, ouais, on va mettre ouais. Ça, ouais. De Cornelius Cardew. Voilà. Qui va changer radicalement l'ambiance. Ouais. Allez, je le fais. Et puis on parle un peu dessus ou. Bon, on écoute ce que ça donne. C'est du piano. Ah oui. Donc ça s'oppose au morceau d'avant, c'est ça? Ça s'oppose au morceau d'avant, ça s'opposera même sûrement au morceau d'après. Ouais. Mais c'est un. Quand on connaît un peu l'histoire de Cornelius Cardew, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière musicale dans le milieu de la musique contemporaine, en fait, a travaillé notamment avec Stockhausen ou des gens comme ça, et qui va devenir un très très grand, enfin qui va devenir très très critique de Stockhausen ou d'autres en fait. Qui lui-même s'opposait finalement en tant qu'avant-gardiste à une tradition musicale. Voilà. Enfin, bref. Il sortira d'ailleurs un livre qui s'intitulera Stockhausen Serves Imperialism. Ouais. Imperialism. Ouais. Et puis en fait, c'est quelqu'un qui dans sa carrière va aussi connaître un tournant. En fait, il va adhérer au mouvement marxiste-léniniste anglais. Et il va complètement alors que c'était quelqu'un de plutôt. Établi dans la scène de musique contemporaine européenne. Ouais. Il va rejeter tout ça et il va plutôt aller vers la musique populaire et là en fait c'est un disque où il joue des morceaux au piano. Alors ce morceau là fait partie d'un morceau qui est inspiré par des révolutionnaires irlandais lors de la première ou d'une des premières révolutions en Irlande contre l'impérialisme anglais en fait. Ouais. Et voilà, vers un classicisme aussi beaucoup plus marqué en fait que toutes ces productions précédentes qui étaient quand même très marquées par le sérialisme ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est intéressant en revenant au classique, il espère être plus populaire finalement. Enfin, c'est pas une histoire de popularité, parce que c'est une histoire ça, de. T'as dit ça qu'il voulait faire une musique plus populaire. Bah, populaire au sens proche du peuple. Enfin, ouais, c'est ça, de... ouais. Bah, très souvent, on a un peu cette image-là que, de toute façon, la musique contemporaine, c'est une musique d'une part élitiste et puis qui est réservée à une classe en fait, qui parle pas à tout le monde en fait. Mais à la musique classique aussi, non? Moins. Oui, la musique classique aussi. Enfin, c'est la musique savante, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour en revenir à Cornelius Cardew, c'est quelqu'un qui va mourir assez jeune, en fait, renversé par un chauffard en bas de chez lui. Une histoire dont on n'a d'ailleurs jamais. Il n'y a jamais eu de résultat d'une enquête et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui était très engagé dans des combats politiques et on n'en sait rien de sa mort, en fait. D'accord. Toujours. Enfin, il est mort en 81. Sans qu'il y ait eu depuis de choses qu'on ait su, enfin tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, si c'était juste un accident ou si c'était un acte délibéré d'un chauffard dépendant de je ne sais pas quel service. Bon, le mystère. Voilà. Eh bien, nous finirons cette première heure avec. Donc, j'ai remis le morceau, comme ça on l'écoute tranquillement. Merci Thierry. Merci. À tous. Gros débat sur l'antenne des entretiens de Grenoble. Bon, bref. Cornelius Cardew, donc. Qu'est-ce que tu avais encore amené à... Bon, ça fait deux fois qu'on l'écoute. J'avais amené deux autres choses, T'avais amené deux autres choses, ouais. Notamment un morceau de Ilan Mimaroglu. Ouais. Et moi, j'avais un autre morceau aussi, après, mais bon. Ouais. Donc, tu vois, on a encore des choses. Ouais. Non, c'est bien. Non, mais le débat, peut-être toi-même, tu sais pas la réponse, mais sur le côté qu'en fait, je comprenais pas en quoi faire du piano et revenir à des formes classiques était moins bourgeois que la musique d'avant-garde de l'époque. Voilà. Bon. C'est une question. Bah après, quand on connaît la musique du XXe siècle, qui s'est vraiment séparée. Enfin, qui est vraiment allé très loin quand on prend des choses comme le sérialisme total de Boulez, des choses comme ça. Lui, il voulait clairement rompre avec tout ça, quoi, et aller vers des formes. Et puis après, c'était pas que la musique, hein, c'était aussi dans la vie. Il était dans des luttes au quotidien avec des gens. Il s'est pas mis à faire des opérettes ou vraiment des formes. Enfin, il s'est pas mis à faire de la musique populaire en tant que telle, quand on parle de vraie musique populaire, tu vois. Ouais, après, je sais pas si les opérettes seraient plus populaires que ça, forcément, en fait. Non, enfin, mais au moins dans la... Parce que les opérettes, le classement sociologique. Ça reste très bourgeois, tu... aussi, quoi. C'est de la musique de non, théâtre. C'est, de la... c'est faux bourgeois. Enfin, de ce que je connais. Bon, bref, bon. Peu importe. Alors, Mimaroglou, ouais, qui a donné éponyme de, du label. Ouais, de l'ancien label. De l'ancien label, ça n'existe plus. Mimaroglou Music Sale. Non, non, c'est arrêté depuis longtemps. D'ailleurs. C'est qui, Fellerton Whitman, et il a émigré en Australie. Il vit en Australie, je crois. Il est toujours là-bas. Oui. Non, non, ça s'est arrêté il y a déjà pas mal d'années, en fait. Il y a plus de 10 ans. Ah bon? Donc, je pense que ça fait un moment que tu n'as pas dû commander. j'ai jamais commandé. Oui, c'était une distro aussi. Ouais, c'était vrai. Une distro. Ça a même commencé comme un label de CDR. Enfin, il avait un label de CDR qui s'appelait Krill Pawn. Eh oui. Où en fait, il sortait de manière pirate des choses qui n'étaient pas forcément rééditées. Je crois que son premier disque, c'est un disque d'Ilan Mimaroglou, si je ne dis pas de bêtises. Et, ouais. et il a une espèce d'admiration pour ce... Celui-ci, celui que tu as amené, tu crois ? Non, c'est pas Agitation, c'est d'autres choses. Parce qu'il a fait d'autres choses, hein, Mimaroglou. Mais Mimaroglou, c'est un personnage assez incroyable, en fait. C'est un Turc. C'est incroyable quoi. Non mais qui vient d'ailleurs d'une famille plutôt bourgeoise turque en fait. Et lui quand il a été jeune, il est allé aux États-Unis étudier Columbia Princeton of Electronic Music, donc un studio de musique électroacoustique hyper connu avec Vladimir Ussachevski. Il est aussi passé par le GRM. Juste avant, et puis en fait il a émigré aux États-Unis tout simplement, et puis bah, là-bas il a composé quelques pièces de musique électroacoustique, il a travaillé dans l'industrie musicale puisqu'il a travaillé pour Atlantic, il a produit pas mal de choses de musique jazz, il a travaillé avec Jean Dubuffet autour de Coucou Bazar, il a même fait de la musique de film pour Fellini en fait, pour Satyricon. Et qu'est-ce qu'il a fait chez Atlantic ? Chez Atlantic, il était R&D, comment on dit, enfin R&R, je sais pas quoi, c'est artistes, enfin c'est ceux qui étaient producteurs en fait et qui allaient chercher des artistes. Ah ouais. Ouais, bah c'est tous les trucs. Arrangeur, non, c'est pas ça. Non, c'est artiste représentation. C'est au niveau des producteurs en fait. Ouais, d'accord. Donc c'est tous les gens qui vont chercher des artistes et qui mettent tous les moyens pour pouvoir les sortir et qui sont c'est quand même dans les gens importants des labels exact, en fait. Exact. Ouais. Mais pour la branche électroacoustique d'Atlantic, c'est ça ? Non, jazz ou d'autres musiques en fait. Ouais. Il a d'ailleurs produit quelques disques notamment un disque de Charlie Mingus, enfin, c'est quand même quelqu'un qui était... Mais parce qu'il y a plein de disques qui sont sortis de cette unité-là de recherche universitaire. Là. La Columbia Princeton University. Enfin, il y a plein de disques qui sont sortis... Enfin, de gens qui étaient chercheurs là-bas. Il y a une énorme production de disques liée à cette, cette fac. Quoi. Mais disons alors, que ça, c'était... Si c'est Atlantique, mais... Quand je parle de producteur, c'était un peu son travail. Là, enfin, c'est pas, ça n'a rien à voir avec son travail artistique, en fait. Ouais. Puis il a même été photographe. Il a un peu touché à tout et c'est quelqu'un d'assez passionnant. Et là, ce que j'ai amené, en fait, c'était un disque qui s'appelle Agitation, qui était sorti chez Locust et qui compilait deux disques vinyles qu'il avait fait dans les années 70 de compositions plutôt politiques, en fait. Donc, il y en a une qui s'appelle Tract. C'est ça qu'on va écouter, qui est une composition of Agitprop Music for Electromagnetic Tape. Et puis après, il a fait aussi un deuxième disque qui s'appelle, je crois, enfin le titre de la pièce c'est To Kill a Sunrise et je crois que c'est aussi le titre du disque où on trouve deux faces et la deuxième, la ruche, a été composée en partie au GRM. Voilà, donc je sais pas. Et je m'oppose à ce que tu racontes. D'où vient le titre To Kill a Sunrise? Ah, To Kill a Sunrise, c'est il raconte ça dans les. Je m'oppose à ce que tu dises. Je veux pas que tu le dises. Ah bah d'accord, bon. Bah, je le dirai pas. Quand alors. Tu t'opposes, c'est que tu... Ouais, ok. Bon. On écoute Tract ? Yes. Si on peut, ouais. À toutes. Take 2, user 3. Ok, ready, rolling. Take 4, full start. Insert 1. Ok. We start by shouting the name of the international Turkish revolutionaries executed by the government. Ready, Yes or no? Rose. The inception step starts. All right. Rosa. Take four. All start. Yes or Lux no? Luxembourg. Lux. Okay, ready. Lux. Take four. All start. Lu. Yes or one. Luce. Luz. Louise. Louise Michel. Michael. Ange. Angèle. A. Age. Ange. Angela. David. Ange of Dark. Jean of Jane of Fun Dark. And then there was that woman who was to be sent to the gallows because she wanted justice and equality for all. In the government offices, in the police stations, and in the prisons, she has been harassed, humiliated, abused, beaten, raped, tortured. Then she was brought before her judges, who represented the kind of justice that only illustrates a fact created by force. And before the sentence was pronounced, she was asked whether she had anything to say. She would perhaps have cried like a child in agony when the hangman would call her name. But there, spitting to the faces of the judges, she said, devant ces juges qui représentent cette sorte de justice créée par la force. Cette femme prenant les rangs, on l'amena devant ces juges qui représentent cette sorte de justice. Descendants will be considered as traitors up to the cette sorte de justice créée par la force. Traitors up to the seventh generation. Si, mais même si, mais quelque chose. Les entretiens de Grenoble continuent. Nous écoutons toujours Mimaroglu avec une pièce qui s'appelle Composition of Agitprop Music for Electromagnetic Tape. Alors, est-ce que c'est ironique ou pas? Je ne sais pas. Sachant que l'agitprop, dans son acception initiale, concerne... les outils mis à disposition, enfin, en gros, l'activité de propagande, finalement, donc qui était associée au parti communiste. Moi, je suis prête, quand vous voulez. Soviétique, bolchevique. Voilà, alors, est-ce que c'est là une manière ironique? Est-ce que Mimaroglu était communiste? Je ne pense pas. Ça a été un peu détourné de son sens initial, l'agitprop, j'imagine. Ouais, après, c'est devenu un sens beaucoup plus large. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quelles idées, pas forcément l'idéologie communiste soviétique. Quoi. Et donc, quelle serait l'idéologie que Mimaroglu veut transmettre? C'est assez compliqué. Pas si clair. Je vous laisse réfléchir sur cette idée. On ramasse les copies dans une demi-heure. Donc, du coup, là, l'opposition n'est peut-être pas finalement ici si évidente. Bon, je ne sais pas. Ça reste très politique à la base. Ça reste politique. On peut être politique sans être en opposition. On ne voit plus par les chemins. Je te laisse. Voilà. En plus, sachant qu'il. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il fait ça. Est-ce qu'il est aux États-Unis? Oui, il est aux États-Unis. Il fait partie donc d'un groupe. D'un gros groupe, d'un gros label. Donc il est quand même plutôt bien inséré dans. Le capitalisme. Oui, etc. Mais après, je sais que ça veut rien dire en fait. Je ne sais pas pourquoi cela ne voudrait rien dire. Enfin, parce qu'on peut être. On peut tout faire. Oui, oui. Alors, on va changer de sujet. Je vais mettre un morceau, non pas de Rock in Opposition, mais de quelqu'un qui est lié à ce mouvement que tout le monde connaît. Ça permet de pas expliquer ce que c'est, vu que mes connaissances sont limitées. Art and Language, Rock in Opposition, New York. Alors, il y a Mayo Thompson, quelqu'un qui est devenu réalisatrice par la suite, en tout cas dans la partie art de Art and Language, Catherine Bigelow, il me semble, à vérifier. J'avoue, je connais assez mal Art and Language. Donc, un morceau de Mayo Thompson qui a formé aussi Red Crayola. Auparavant. Donc Chicago, avec des musiciens de Chicago principalement, beaucoup il me semble. Ça a pas commencé au Texas? Peut-être, mais il me semblait qu'il y avait il y a pas David Grubbs qui a joué dans Red Crayola. Non mais ça, c'est, ça. Beaucoup, c'est beaucoup plus c'est tard beaucoup en plus fait tard. Dans les années 90. Ouais. Merci. Red Crayola a commencé dans les années 60. Ouais. Ah oui, ok. En même temps que donc Art and Language. Je pensais que c'était un peu plus. Ouais, un peu mais plus après, tard, la collaboration avec Art and Language est plus tardive. C'est plutôt dans les années 70 que lui il intervient avec Art and Language. Mais Red Crayola, ça a commencé dans les années 60. D'accord, donc c'est antérieur. Je pensais que c'était postérieur. Et là, le disque que tu vas passer, je crois que ça date de 69. Alors, effectivement, il y a. Mais qu'il n'était pas sorti à l'époque. Ah ouais. Donc il n'y a pas vraiment de... C'est vrai qu'il a l'air assez jeune. Mmh. C'est sorti sur Drag City, bon ça veut rien dire, 70. C'est sorti sur Texas Revolution, donc ce qui corrobore ce que tu dis. Mais je crois que c'était il venait d'Austin, hein, il me semble, la scène d'Austin. Yes, très certainement. On écoute le morceau le plus beau ou facile à écouter. Qui sera d'ailleurs repris par Père Ubu par la suite avec Mayo Thompson. Ouais, c'est vrai. Merci Thierry, merci. Moi, je suis bien content d'avoir invité Thierry. Allez, on écoute ça. In my heart, if that is where one feels, I sure feel your head lying back, sending peals of laughter to ring the world like a bell. I ring to call you here to me. Telephone, telephone, please, in my blues when I'm alone. If it can be done, you know that I for one would be so very grateful. I hear approaching on the run from some strange unknown danger, or just my heart beating so noisily one never really knows till it's far too late to see. Better late than never, oh Louise, won't you please tie my running heart, please tie it to your gate. It's the sun we wait for in the morning and the moon we long to see setting in the evening when night lies ahead and day is through. I'll spend the night with you instead. Ah, quel beau morceau. Magnifique. Ouais. On va le... Bah, il repart d'ailleurs. Bon, allez, oh. Ouais, je t'ai vu faire en fait. Ouais. Il n'est pas reparti tout seul. Non. Est-ce que tu préfères la version de Père Ubu ou celle-ci? Moi, je préfère celle-ci qui est la première version en fait. Même si celle de Père Ubu est sortie avant, puisque ce disque-là n'est sorti qu'une vingtaine d'années après en fait avoir été enregistré. Exactement, ouais. Parce qu'il a été, je sais pas, 24 ans exactement après. Ouais, il y a des histoires comme quoi il mais avait. T'es sûr qu'il est pas sorti même en tout petit? Non, je sais pas. Bah, je crois qu'il y a eu un pressage, mais que les disques ils ont pas vraiment circulé, qu'ils sont restés dans une espèce d'entrepôt et. D'accord. Et que ça a été un peu oublié, quoi. Ouais. Mais j'avoue que je connais pas l'histoire complète autour de ce disque, mais je sais que il y avait quand même une histoire, c'est qu'il est pas sorti. Au moment comme il aurait dû. Comme il aurait dû, ouais. Ouais. Il y a eu une histoire d'arnaque, je crois, ou quelque chose comme ça. Et après, je sais. Parce que Mayo Thompson, après ce disque-là, il a quand même un peu disparu des radars pendant quelques années. Ouais. Non, donc la version de Horses avec Père Ubu est sortie avant la vraie sortie de cet album-là en 94. Même si elle a été enregistrée après. Ouais. Mais je préfère cette version. C'est plus rock. Je m'en souviens plus de la. Ce disque-là est quand même un disque très pop et qui est assez incroyable en fait quand on le remet dans le contexte et. Ouais, 70, c'est fou. Ouais. Et la version de Père Ubu, elle est un peu bizarre en même temps. Enfin, elle est. Elle est plus rock, pour le dire vite quoi. Mais... Ouh là là. Oui oui oui. T'es fou toi. Ouais. Ça va pas être possible ça. Non. Mais c'est bon, ça va le faire. Ok. Ça devrait le faire. Ah oui, en fait, je pensais c'est ça. Elle est plus reggae, quoi, presque. If that is where one feels, I surely feel your head lying back, sending the peals of laughter to ring a bell, the bell I ring to call you. I'm alone, if it can be done, I would be very plus bizarre. Elle, c'est. Plus bizarre. Et puis il chante. Ouais, bon. C'est lui qui chante. Hein. Oui, c'est lui qui chante. Avec des petits chœurs, des fois, de David Thomas. Ouais. Ouais. Moi, je préfère la version de Corky's Dead. Ouais, ouais. Moi, je me prononce pas. Je pense que je les aime, les deux. Ok. même ouais. T'as pas d'opposition je ne les oppose pas, voilà. Très bien, merci à vous, merci à toi. On atteint 1h30, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, après le dernier morceau quand même, que tu as amené, qu'on n'a pas mis. Ah oui, c'était un morceau de Douglas Lilburn, qui était voilà. On peut peut-être mettre ça. Compositeur de musique électro-acoustique néo-zélandais qui a fait un morceau en 69 contre la guerre du Vietnam, en fait, qui s'appelle Poem in a Time of War. Alors que lui, en tant que néo-zélandais, n'était pas forcément concerné par cette guerre. Je ne sais pas si la Nouvelle-Zélande... Oui, mais c'est une guerre qui a touché le monde entier, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des prises de position. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'était l'impérialisme contre... Enfin, c'était contre l'impérialisme américain. Mm-hmm. Enfin, ouais. Bon. Ok. Merci pour avoir travaillé sur ce sujet de musique et opposition. Ouais. Je pense qu'on pourrait encore... 3 mois. Hein? Après, 3 mois de recherche. 3 mois de recherche. Je pense qu'on pourrait encore dire pas mal de choses. On pourrait détailler comment se traduit l'opposition en musique, sous quelle forme, voilà, à quoi ça s'oppose. Bon, on l'a dit, mais peut-être. Je voulais quand même dire qu'il y a quand même. Tu seras d'accord avec moi que ça permet. Tout ce qui émane du rock, mais je l'ai déjà dit sur le fait que finalement le rock s'oppose à la génération d'avant est une de caractéristique déterminante et que en fait ça fait comme une sorte de lignée de musique. Mmh. Peut-être pas, je ne sais D'accord. pas. Moi, je ne sais pas. Ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que le seul qui ne s'oppose pas, c'est Phil Collins. C'est Phil Collins, exactement. Et on terminera là-dessus, enfin plutôt sur Douglas Lilburn, Poem in Time of War. Merci de votre attention si vous êtes allé jusque là. Et à bientôt, et merci Thierry, encore. Merci à toi. Hoàng hôn xuống mịt mờ sương rơi màn đêm buông sao xa cánh năm gà lên tiếng suối lệ sâu tuôn thương người gió lành đường xa khuê phòng em đàn áo thương đời bé bỏng ở miền quê anh giữ yên biên thùy dẫu rằng xa cả ngàn trùng cho dù ngăn cách mấy sông tình chàng ý thiết ai sầu mối sầu nào hơn vì chàng xa vắng má hồng điểm trang với ai nước dâng rồi vơi lòng thiết biết bao giờ nguôi thẫn thờ trầm lệch buồn thương như lòng vòng lưng eo sâu tương tư nhạt lan môi son hơn duyên đỡ những mùa xuân qua. Thank you. lampeta. Bye.